Après la vue et l'ouïe, les chercheurs dans le domaine de la réalité virtuelle tentent depuis des années de stimuler le sens du toucher. Et pour ce faire, ils développent des dispositifs dits haptiques, des objets ou des gants capables à la fois de simuler des textures ou encore un retour de force. Dernière annonce en date pour ce type de technologie, le gant haptique du groupe Meta, anciennement Facebook, qui devrait permettre de toucher, de déplacer, de sous-peser, en un mot, de sentir les objets présents dans des espaces virtuels comme le métavers. En dehors de ces aspects divertissants au parfum de science-fiction, d'autres applications concrètes, notamment dans le domaine médical, sont déjà à mettre au crédit des technologies haptiques qui rendent le virtuel bel et bien palpable. Technologie haptique, le futur au bout des doigts, c'est le sujet touche à tout que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces dispositifs touche à tout, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maud Marshall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'INSA de Rennes et membre de l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Nous sommes également en compagnie de Vincent Hayward. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, cofondateur d'Actronica et membre de l'Académie des sciences. Mais avant d'entamer notre conversation, il est l'heure de retrouver celle qui tous les jours s'empare de la plus brûlante actualité scientifique sans se brûler. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Physical Review D. Pour la première fois, le LHC, le grand collisionneur de Hadron du CERN, a détecté des interactions de neutrinos. Mais les neutrinos, ce sont des particules neutres électriquement qui ont très peu d'interactions avec la matière. On les appelle aussi les particules fantômes parce qu'elles peuvent traverser toute la Terre sans être arrêtées. Et au moment où je vous parle, Antoine, des milliards de neutrinos vous traversent. Je me disais bien, vous avez des frissons. Alors dans le monde, on a des gros détecteurs qui instrumentent des milieux naturels, comme le détecteur Ice Cube au pôle Sud, le détecteur Antares et maintenant Kilomètre Cube en Méditerranée. Et ce qu'on y observe, ce sont des neutrinos qui viennent de l'atmosphère. Ici, dans l'expérience phaser du LHC, l'idée est de mesurer les neutrinos qui sortent des collisionneurs de particules et des collisions proton-proton. Alors, l'idée n'est pas nouvelle, mais on vient enfin d'y parvenir avec la détection de 6 interactions de neutrinos. François Vannucci est professeur émérite à l'Université de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que ces neutrinos? Ce sont des neutrinos qui sont, en fait, produits par désintégration de particules secondaires. Les collisions du LHC, ce sont des protons contre des protons. Et ces protons produisent un tas énorme de particules secondaires qui sont essentiellement des pions, des kaons, et des particules charmées, etc., etc., des particules anciennes qui se désintègrent très rapidement. Et alors ces particules sont produites vers l'avant, c'est-à-dire dans la direction des faisceaux. Et donc il suffit de mettre un relativement petit détecteur en plein dans l'axe des faisceaux. Et on regarde ce qui se passe. Les neutrinos ont des énergies élevées qui doivent être autour de quelques centaines de GeV, c'est-à-dire peut-être un facteur 10 au-dessus de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire des neutrinos quand même nettement plus énergiques que tous ceux qu'on a vus interagir jusqu'à présent. Et donc la nouveauté pour le LHC, c'est que auprès d'un accélérateur, on peut prédire beaucoup mieux le flux des neutrinos attendus. Et donc on va vérifier, alors que les neutrinos de l'atmosphère ou les neutrinos extragalactiques, on commence à en voir, sont dans les mêmes zones d'énergie, mais le calcul, combien on en attend, c'est beaucoup moins évident. Alors qu'auprès d'un accélérateur, on sait très bien calculer combien on en attend, si bien sûr la théorie continue à être valable dans ces zones d'énergie nouvelles. Et donc, une expérience au LHC donnera quelques points de mesure à des hautes énergies. Dans ce papier, il est dit qu'on espère pouvoir enregistrer plus de 10 000 interactions de neutrinos lors de la prochaine exploitation du LHC à partir de 2022. Oui, bon, au CERN ou aux États-Unis, à Fermilab, on a vu des millions d'interactions de neutrinos. Donc, trouver des interactions neutrinos, c'est assez banal. Le seul apport d'une telle expérience, c'est des neutrinos de très haute énergie pour vérifier que ce qu'on comprend de la théorie s'extrapole bien à ces énergies supérieures. Et vous pouvez retrouver, comme chaque jour, cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez réécouter ce journal ainsi que toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le VIH, une lutte qui a elle aussi été affectée par l'épidémie de Covid-19. Oui, un autre dommage collatéral de la pandémie. La lutte contre le VIH a reculé sur de nombreux fronts. Sur le plan de la recherche, celui de la prévention, mais surtout avec le recul des dépistages du VIH. Si le nombre de tests était en constante progression depuis 2013, selon les dernières données de Santé publique France, entre 2019 et 2020, cette activité a chuté de 14%. Selon l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, le nombre d'autotests a également chuté de 22%. Et selon SIDAction, environ 24 000 personnes ignorent leur séropositivité. Après avoir observé une légère baisse du nombre de nouveaux cas, on peut s'attendre à voir ce taux remonter. En bref, toujours, selon une étude parue dans la revue Nature, Ecology and Evolution, nous avons découvert de nouveaux fossiles de Denisoviens. Ouais, cette espèce éteinte du genre Homo n'a été découverte qu'en 2010. Jusqu'à présent, nous n'avions que 6 fossiles de Denisoviens, donc chaque nouvelle découverte est importante. Alors, dans cette grotte de Denisova, en Sibérie, une équipe internationale a récemment analysé plus de 3700 fragments d'os. Trois d'entre eux ont été identifiés comme des restes de Denisoviens. Et ils proviennent d'une couche sédimentaire vieille de 200 000 ans. Avant cette découverte, les plus anciens vestiges connus étaient vieux de 122 à 194 000 ans. De plus, des outils ont été découverts dans cette même couche sédimentaire. Ce serait la première preuve directe que les Denisoviens fabriquaient et utilisaient des outils. Et enfin, une étude parue dans Nature Communications décrit le plus petit appareil photo au monde. Un appareil photo aussi grand qu'un grain de sel. Une équipe américaine a créé un nouveau capteur de caméra d'à peine 0,5 mm de large, un capteur de métasurface qui contient 1,6 million de tiges cylindriques qui fonctionnent comme des antennes optiques. Des algorithmes de post-traitement ont ensuite permis d'obtenir des images de 720 sur 720 pixels en couleur. Selon les auteurs, cette nano-optique neuronale est facile à produire et cette percée technologique pourrait révolutionner l'imagerie médicale et la robotique miniature. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Imaginez, vous êtes dans un monde virtuel. Vous vous baladez dans un jardin. Ici se trouve un pommier. Vous prenez une pomme. Et là, au moment où vous l'attrapez, vous la sentez dans votre main. Pour de vrai. Vous pouvez même la jeter dans le panier. Faire entrer le toucher dans la réalité virtuelle, voici l'objectif d'un projet de recherche mené au sein du laboratoire IRISA à Rennes. Claudio Pacchierotti et ses collègues sont spécialistes de l'aptique. L'aptique, c'est la science qui étudie le toucher. Un sens qui a longtemps été oublié de la recherche et du secteur médical. Pourtant, c'est un sens très important. Il permet de se déplacer, de porter des objets, de ne pas se blesser. Il est même vital. Un bébé qui n'a aucun contact physique avec un autre être humain ne pourra pas se développer correctement. Le toucher, c'est aussi un sens qui a jusqu'à présent été peu exploré dans la réalité virtuelle. On s'intéresse à la vue, à l'ouïe, qui sont des sens plus simples à solliciter. Pourtant, le sens du toucher permet lui aussi une plus grande immersion. Voilà, le sens du toucher, on y consacrait récemment une émission entière dans la méthode scientifique. Mais Maud Marshall, dans ce qui est dit dans ce petit extrait de documentaire qui résume pas mal de choses, c'est que le sens du toucher est compliqué, beaucoup plus compliqué que l'ouïe ou que la vue à stimuler de façon un petit peu indirecte, ou en tout cas avec des objets qui vont stimuler ce sens-là. Oui, tout à fait. Donc l'ouïe est concentrée sur les oreilles, la vision avec les yeux, alors que le sens du toucher est sur tout le corps, puisqu'on a des mécanorécepteurs sur la peau, donc sur tout le corps. Donc on a une grande surface, donc un corps entier avec lequel on va devoir interagir, et donc des technologies qui doivent du coup pouvoir être adaptées aux différentes parties de notre corps, aux différentes sensations qu'on va pouvoir avoir. Oui. Vincent Hayward, est-ce qu'on a toujours rêvé de stimuler ce sens-là, le toucher par des dispositifs externes, ou bien est-ce que c'est venu relativement tardivement? Il y a des romans de science-fiction qui remontent aux années 50, oui. Avec l'idée du sensorium, ou l'hypothèse c'est que si on stimule tous les sens correctement, on se déplace dans un monde recréé. Mmh. Donc ça, c'est une vieille idée. Il y a eu des articles qui remontent dans les années 60. Mais c'est tout à fait pertinent de dire que avec l'accroissement des capacités de calcul des ordinateurs, le graphique a vraiment totalement dominé ce domaine. À quand est-ce qu'on peut faire remonter le premier dispositif haptique, puisque de ça il va être question tout au long de cette heure, Maud Marshall, à quand on pourrait dire, voilà, ça c'est vraiment le premier exemple d'un dispositif qui a permis de simuler une sensation tactile, un stimulus tactile. Un dispositif haptique, ça existe déjà depuis les années 70, voire même encore plus loin. 1920. Dans les vieilles. Mais le dispositif, par contre, haptique, utilisé en lien avec un ordinateur, ça, c'est beaucoup plus récent, puisque comme Vincent l'a dit, effectivement, c'est l'amélioration des temps de calcul et des algorithmes qui ont permis justement de pouvoir lier ces dispositifs haptiques avec les ordinateurs. Et on voit depuis justement quelques années un boom sur justement ces dispositifs haptiques en réalité virtuelle, puisqu'on commence à atteindre des temps de calcul qui permettent justement de pouvoir retranscrire en temps réel des sensations tactiles ou haptiques qui sont du coup appropriées à l'utilisateur. Vincent Hayward, sur ces tout premiers dispositifs haptiques, ça servait à quoi? On s'en servait pour quoi? Ça, c'est une très vieille idée. En fait, c'était le résultat de la Première Guerre mondiale. Il y a énormément de soldats américains qui sont revenus du front avec des déficits auditifs à cause des canons. Et il y a un chercheur à l'Université de Chicago qui était chargé d'essayer de substituer aux pertes d'audition par des sensations tactiles. Il avait effectivement fabriqué des systèmes haptiques à l'époque qui étaient vraiment primitifs, qui marchaient très très mal. Mais historiquement, c'est le cas. Et puis, il y avait aussi, je crois, des bras téléopérateurs, des choses qui permettent déjà de saisir des objets à distance, Maud Marshall. Oui, tout à fait. Donc, c'est apparu ces bras robotisés qui, du coup, permettaient de téléopérer des objets à distance. Donc, par exemple, dans le cas de situations dangereuses où l'utilisateur ne pouvait pas aller directement sur le lieu de par exemple, un site nucléaire ou bien dans des dispositifs médicaux. Donc, on utilisait ces bras robotisés depuis de nombreuses années. Donc là, on a vu ces derniers temps, justement, un changement dans le type de dispositif. Oui, parce que là, on était dans la réalité. Et à partir des années 80, c'est vraiment là que, quand l'émergence de la réalité virtuelle a commencé à se faire sentir, on s'est dit qu'on pourrait potentiellement sentir, toucher, porter des objets dans ce monde virtuel. Tout à fait, oui, c'est avec justement l'apparition du monde 3D qu'on s'est dit que ces objets 3D qu'on voyait jusqu'ici, qu'on arrive à entendre, maintenant est-ce qu'on pouvait aussi les toucher et pouvoir justement interagir avec eux? Vincent Hayward, qu'est-ce qui fait la complexité de ce sens du toucher? Maud Marshall expliquait tout à l'heure que c'est parce que finalement on peut sentir avec tout notre corps que c'est compliqué de le reproduire. Pourquoi est-ce que voilà, il y a d'un point de vue technique et logistique une complexité particulière? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut pas créer un système électromécanique, parce que c'est comme ça que ça marche, qui va vous donner la sensation d'être assis sur un siège en même temps de manger une soupe. Donc c'est pas envisageable aujourd'hui. Mais ce qui nous sauve, hein, c'est qu'on a des mains et en fait une très grande partie des sensations tactiles passe par les mains et en plus par les outils. Parce que les mains, je crois, comportent les 40%, je crois, des mécanorécepteurs qui sont sur toute la surface de notre corps. Ce qui en dit long quand même sur ce besoin qu'on a de toucher avec les mains. Même quand on a un casque de réalité virtuelle, les gens ont l'habitude de tendre les mains pour pouvoir saisir ce qu'ils sont en train de voir, ce qui est assez amusant. On peut peut-être justement, en parlant de toucher, quand même rappeler deux trois petites choses, parler de ce sens tactile qui est un sens un petit peu passif, et puis de la proprioception. Vincent Hayward, expliquez-nous un petit peu la différence qu'il y a entre ces deux éléments et comment ça va être intégré dans le travail autour des dispositifs haptiques. D'un point de vue historique, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que à la fin du 19e, on considérait que toutes les entrées mécaniques participaient d'une manière intégrative à la sensation de son propre corps et du contact du corps avec l'extérieur. Dans les années 60-70, il y a eu comme un déplacement du centre de gravité scientifique vers une ségrégation de ce qu'on appelle la proprioception, ce qui est la connaissance de de la position de son corps dans l'espace, tout simplement, et des sensations tactiles qui mettent en jeu le contact, contact avec les objets. On va voir justement dans un instant toutes les complexités à surmonter pour mettre au point un dispositif haptique, tout sommaire soit-il. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Nous parlons tout au long de cette heure de dispositifs haptiques. Maude Marshall, on peut peut-être éventuellement faire un peu de typologie pour commencer et on va peut-être essayer de... On aime bien faire des grands groupes, des grandes familles. Est-ce qu'on peut déjà identifier des familles d'objets haptiques, de dispositifs haptiques qui composent un peu ce grand monde-là? Oui, alors peut-être revenir à ce qu'est finalement un dispositif haptique, une technologie haptique. En fait, c'est vraiment une technologie, donc comme l'a dit Vincent, électromécanique, qui va être conçue pour justement stimuler le sens du toucher. Mmh. Et donc après, on peut aller stimuler de différentes façons ce sens du toucher. Donc on parlait tout à l'heure des bras robotisés qui, eux, vont stimuler en fait notre perception des forces au niveau de nos articulations, de nos muscles, alors qu'on a des dispositifs qui vont beaucoup plus stimuler les mécanorécepteurs au niveau de notre peau. Et donc on a généralement deux grandes familles qu'on identifie, ce qu'on appelle les interfaces un peu kinesthésiques et de l'autre côté les interfaces tactiles. Alors ces interfaces kinesthésiques, justement, ça a trait avec la proprioception dont on parlait tout à l'heure, cette capacité qu'on a à se repérer dans notre environnement grâce au toucher. Oui, tout à fait. Et donc, c'est historiquement des interfaces qui existaient et qui ont permis justement notamment de faire toutes ces opérations de téléopération. Donc, en fait, on tient une poignée dans la main qui va nous retourner une force. Sauf qu'évidemment, on s'est rendu compte que ça nous donnait juste une information de force, de couple, mais du coup, à échelle plus microscopique au niveau de notre peau, on a peu de sensations. Et donc, il y a une autre famille d'interfaces qui, elles, vont stimuler, du coup, au niveau de la peau, avec des vibrations, du frottement, de la pression. Donc, des choses qui vont stimuler différemment, du coup, notre sens du toucher. C'est en ça que ces dispositifs sont aussi complexes à mettre en place. C'est que le toucher recoupe aussi bien ce que vous disiez, voilà, sur la température, la sensation de température, la sensation de pression, la sensation de rugosité, la sensation de frottement. Vincent Heyward, sur cette question, voilà, à la fois de ce champ immense à couvrir, mais aussi de ces familles d'outils haptiques à développer. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez compléter? De ces dernières années, oui. Le résultat de cette difficulté matérielle de réaliser un système qui puisse stimuler tout le corps, un grand nombre de chercheurs se sont concentrés sur la main, et en plus, même pas sur la main, sur les outils eux-mêmes. Ça, c'est un des mystères scientifiques, d'ailleurs, qui est toujours pas résolu. C'est que si je tiens un outil dans ma main et que je viens, par exemple, touiller ma soupe, je vais avoir une sensation très, très, très pertinente de la qualité de la soupe à travers la cuillère. C'est vrai c'est extrêmement subtil. On va savoir si la soupe est épaisse ou pas, si elle est dense, s'il y a des morceaux qui sont restés ou ce genre de choses. Et non seulement ça. Si on tapote la cuillère sur le bord de la casserole, on a une sensation immédiate de l'endroit où la casserole vient entrer en contact avec la cuillère. Et donc la cuillère se comporte comme une prolongation de notre corps. C'est finalement le premier dispositif haptique, alors, la cuillère. Mais c'est magnifique pour le côté pratique. Parce qu'on peut simplifier, en fait, un phénomène mécanique très compliqué, on le remplaçait par une vibration bien calculée, bien calibrée, qui vous donne une sensation absolument réaliste. Alors là, on parle de mécanique tout à fait primaire. On imprime un mouvement à cet objet qu'est la cuillère en bois et on sent à la fois l'endroit où a tapé la casserole ou bien l'endroit où on a touillé. Cette mécanique, elle peut être reproduite aussi par des petits moteurs. On va parler de l'aspect matériel vraiment de ces dispositifs haptiques. Maude Marshall, est-ce qu'il y a des éléments, voilà, comment est-ce qu'on fabrique ces objets? D'ailleurs, Vincent Heyward est venu avec quelques-uns d'entre eux. On va en parler dans un instant. Oui, je pense que jusqu'ici on a développé pas mal de technologies haptiques dédiées presque à un phénomène, c'est-à-dire l'idée c'était de produire une vibration, une pression, un frottement et d'aller étudier un petit peu la perception. Donc ça, historiquement dans la communauté de scientifiques de l'haptique, plein de gens ont étudié plein de phénomènes et essayé de voir justement comment on pouvait développer les technologies adéquates pour justement ressentir ces frottements. Et puis là on voit par exemple avec la réalité virtuelle, quand on veut interagir avec des objets 3D, des environnements 3D, bah, qu'on va aller essayer de reproduire des sensations, tout en sachant que quand on est dans un monde 3D, l'humain sait très bien que c'est un monde 3D qui n'est pas réel complètement. Et donc, on va pouvoir se permettre des petits écarts. Donc, est-ce qu'on peut quand même, avec ces petits écarts, essayer justement d'avoir différentes sensations avec différents objets? Et donc, maintenant, on commence à avoir des choses qui sont plus uniquement le bras robotisé dont on parlait tout à l'heure pour aller faire la téléopération avec un outil, mais des objets qui vont être mis sur la main et qui vont directement aller en contact avec la peau et laisser, par exemple, l'utilisateur manipuler tout en ayant des contacts sur sa peau, donc sans avoir vraiment l'outil dans la main. On viendra bien sûr à toutes ces prouesses qu'on peut réaliser aujourd'hui, notamment avec des gants haptiques qui peuvent nous donner toutes ces sensations, notamment de pression ou de poids. J'aimerais qu'on vienne dans le monde bien bien réel et bien matériel de ces instruments que vous avez amenés, Vincent Hayward, aujourd'hui en studio. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu? J'ai devant moi un gobelet, trois cubes de tailles différentes et d'un poids qui me semble, à moi, tout à fait différent. Sauf qu'il y en a un, le plus petit, qui me semble le plus lourd, alors qu'il fait exactement le même poids que les autres. Expliquez-nous un petit peu ce paradoxe qu'il y a à voir des objets et à les sentir et à avoir un préjugé sur le toucher et sur leur poids. Donc j'ai amené cette démonstration qui avait été décrit en fait par Charpentier vers la fin du 19e siècle. Charpentier était un docteur physiologiste et il a remarqué qu'effectivement l'aspect visuel des objets avait une influence très très grande sur les sensations qu'il créait, en particulier le poids. Le poids, c'est l'exemple canonique d'une sensation haptique. Et cette illusion, elle est vraiment formidable. Elle marche pour tout le monde. Elle souligne un point très très important qui est fondamental pour réussir une réalité virtuelle, c'est l'intégration des sens. C'est-à-dire que les sens ne fonctionnent pas de manière isolée, comme dans un robot. En fait, notre cerveau intègre toutes sortes d'informations et X années d'expérience pour pouvoir produire une perception rapidement. C'est incroyable la manière, à la vitesse à laquelle le cerveau analyse les données sensorielles et produit une sensation est phénoménale. Si je vous demande par exemple de passer votre main sur la table, vous saurez immédiatement que c'est un joli matériau, bien fini, c'est pas du bois. Non. Et c'est ce fait en millisecondes. Mmh. C'est quelque chose de très très rapide. Et donc tous les sens sont mis en jeu. Et donc les bonnes réalités virtuelles font ça. Les entrées visuelles, acoustiques et tactiles sont mises dans une relation temporelle et spatiale. Ça va recomposer d'une certaine façon cette synesthésie, cette façon pour les sens de dialoguer entre eux. Alors, et quand ça réussit, c'est formidable. Là, ce qui est drôle, c'est que justement, mon cerveau est floué par ces trois cubes qui sont de tailles différentes, mais d'un poids rigoureusement identique. Vous avez apporté une balance pour me le prouver. Ils font 122 grammes chacun. C'est évidemment identique. Là, ce qui est drôle, c'est que mon cerveau, lui, c'est ma vue qui biaise un petit peu mon rapport à ces trois cubes d'un poids identique, mais de tailles différentes. Voilà. C'est la vue. En fait, c'est même pas la vue. Si je présente, cette expérience à des personnes non-voyantes. Elle fonctionnera aussi. Ah oui, c'est aussi la dimension. Donc, c'est la dimension qui est prise en jeu. Et donc oui, ça démontre vraiment d'une manière formidable cette intégration des entrées sensorielles. Si on poursuit un petit peu dans ce mercredi des enfants que vous nous proposez, c'est un petit peu un mini palais de la découverte en studio aujourd'hui. Vous m'avez convié un gobelet en plastique qui est vide. Vous avez de votre côté un autre gobelet qui est rempli de petites billes métalliques. Voilà. Et là, vous le bougez. Voilà, c'est très sonore. Enfin, un élément sonore dans cette radio. Et je sens dans mon gobelet à moi ces vibrations-là. Expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que là, je suis un peu troublé par cette expérience-là. Et j'ai l'impression d'avoir, dans mon gobelet qui est pourtant vide, ces billes qui roulent. Donc à la base, en fait, dans le gobelet que je tiens, il y a un détecteur de mouvement. Tout petit, qui est très, très commun. C'est un accéléromètre, le même qu'on trouve dans tous les téléphones portables. Et on a une petite radio qui envoie le signal à votre gobelet. Et votre gobelet a un transducteur qui est très très similaire dans sa conception à un haut-parleur. Ce qu'on appelle un transducteur, peut-être, pour le dire. C'est un transducteur, oui, c'est un moteur qui a des bonnes qualités de transduction, c'est-à-dire que si on envoie un signal électrique dans ce dispositif, il va produire un signal mécanique très fidèlement. Donc c'est pas un vibrateur, c'est vraiment un transducteur du même type qu'en fait les haut-parleurs qu'on a ici ou les microphones. Et y a rien d'autre. Mais la subtilité, c'est qu'effectivement le détecteur de mouvement que j'ai mis dans ce gobelet va mesurer les vibrations, mais l'ensemble des vibrations du gobelet. Et pour parler un peu de mécanique, les vibrations souvent peuvent se résumer à des modes, c'est-à-dire une succession de fréquences distinctes qui sont propres à un objet, comme cette table, ce gobelet ou cette chaise. Elles ont le mode propre. Et ces modes propres sont reproduits. Et c'est suffisant pour votre cerveau de les adopter et de les prendre comme réels. Là, on est dans un objet déjà un petit peu plus subtil. Il y a un autre objet sur cette table qui est, pour le coup, qui m'a l'air un peu plus sommaire, qui avait comme une espèce de charnière, un élément qui peut rouler, comme une tige de tiroir. Et il y a un aimant en dessous, c'est ça? Et oui, quand on passe l'aimant, voilà, ça fait une sensation de bomber. Alors qu'en fait, l'aimant est tout à fait plat. Et quand on passe dessus, ça nous fait une sensation de bomber, de colline, de mini-colline, on va dire. Comment on explique ça? Ah, comment on l'explique? Donc c'est un exemple des illusions tactiles. Donc comme l'étude des sens se fait très souvent par le biais des illusions. Les grandes découvertes sur la vision et l'audition se sont faites par le biais des illusions acoustiques ou des illusions visuelles. Et dans le toucher, il y en a pas mal en fait. Ça, c'est un très bel exemple. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je manipule cet objet, l'aimant me provoque un effort. Je dois lutter contre la répulsion de l'aimant. Et ce qui se passe, en fait, ce qu'on pense que ce qui se passe, c'est que c'est mon système moteur qui envoie un signal au système sensoriel en disant « je lutte ». Et donc « je lutte », ça veut dire qu'en fait, il y a un obstacle. Et donc, la sensation qui en découle, c'est une bosse. Là, on est sur de la mécanique pure, Maud Marshall. Après, il va falloir maintenant, quand on se tourne, puisqu'on parle de technologie haptique comme de technologie du futur, il va falloir transférer ça et transcrire ça d'un point de vue logiciel. Après l'aspect matériel, il faut transmettre ça d'un point de vue logiciel. Quelles sont les grandes structures informatiques, on va dire, à mettre en place pour recréer une sensation du toucher? Alors, à partir de ces dispositifs haptiques, après, on va pouvoir, si on veut aller les coupler avec un environnement virtuel, c'est-à-dire on veut imaginer toucher en fait notre objet virtuel 3D. L'idée, c'est d'aller finalement récupérer, capturer les mouvements de, par exemple, des mains de l'utilisateur. Et ensuite, une fois qu'on a capturé ces mouvements, on va pouvoir les positionner dans l'environnement 3D. Et l'objet qu'on a voulu construire dans l'environnement 3D a des propriétés physiques qu'on aimerait retranscrire. Et là, l'idée, c'est de trouver des algorithmes qui vont permettre justement de retranscrire une sensation haptique qui soit similaire à celle que l'objet, similaire à celle, à celle de l'objet qu'on voit vraiment dans le monde 3D. À partir du coup de cette transcription informatique en 1 et 0 de toucher, quel type de sensation on arrive très bien à reproduire aujourd'hui liée de stimuli tactiles, on arrive très bien à reproduire aujourd'hui avec des objets haptiques? Alors aujourd'hui, on arrive très bien à reproduire des forces, donc typiquement aller toucher des objets et avoir une répulsion, ce qui est essentiel en 3D, puisque ça veut dire que on n'a pas juste les mains qui vont interpénétrer nos objets, on va vraiment pouvoir avoir des objets qu'on va plus, on va avoir la sensation de vraiment toquer contre le mur par exemple. Et puis on arrive aussi à avoir du couple, donc c'est-à-dire on est capable par exemple d'interagir avec des fluides, donc d'aller touiller la soupe dont on parlait tout à l'heure, mais cette fois-ci une soupe virtuelle. Donc on arrive vraiment du coup à avoir cette transcription. Et puis là, on commence aussi maintenant à travailler sur justement au niveau tactile, sur comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des choses au niveau des mains et aller les rajouter ou les enlever, puisqu'on va avoir des dispositifs qui vont être portables, donc que l'utilisateur peut porter, donc il a ses mains et ses mouvements qui sont libres, mais il va pouvoir avec ces dispositifs, du coup, lorsqu'il interagit avec un objet, on parlait tout à l'heure en introduction du pommier, la pomme qu'on allait récupérer, on a des dispositifs qui vont du coup se mettre dans la main au moment où la pomme est cueillie, la pomme virtuelle est cueillie, et nous donner cette sensation vraiment d'avoir l'objet virtuel dans les mains. Vincent Hayward, à chaque fois que j'entends le fait de pouvoir cueillir une pomme virtuelle et de la sentir dans sa main, ça me fascine. On évoquait tout à l'heure l'aspect complexe du sens du toucher, les différents types qui composent en fait ce toucher-là. Est-ce qu'il y a des éléments plus complexes que d'autres, éminemment plus complexes que d'autres, à reproduire d'un point de vue haptique justement, en lien avec le toucher? Quels sont les éléments les plus compliqués à reconstituer en lien avec le toucher? Une chose que le toucher fait vraiment bien, comparé aux autres sens, c'est de déterminer la nature des matériaux. Quand on met la main sur une table, on palpe un tissu, immédiatement la sensation de la matière du tissu, si c'est de la soie, si c'est de la bonne soie, c'est vraiment l'épitome de la capacité du toucher, c'est l'identification des matériaux. Et ça, c'est vraiment encore du futur. Ouais. Maud Marshall, qu'est-ce qui, dans l'informatique, finalement, pêche là? Pour reproduire d'un point de vue algorithmique, qu'est-ce qui va pêcher? Comment on explique que là, il y a vraiment un gap qui ne puisse pas encore être franchi parce que d'un point de vue matériel, d'un point de vue technique, on n'a pas encore la capacité de reproduire ça? Bah en fait, c'est le toucher, c'est multimodal. Donc en fait, c'est plusieurs modalités en même temps qui vont, quand on va les toucher, le tissu. Donc on rêve tous de virtuellement les toucher, le tissu, notamment avant de l'acheter. Ben quand on est en train d'acheter en ligne quelque chose, on a vraiment envie de le toucher, le tissu, avant de l'acheter pour savoir s'il est rêche ou s'il est tout doux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien faire, parce qu'en fait, c'est multimodal. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sensation de température qui va venir jouer, une sensation en même temps de rugosité, une sensation du coup d'un quelque chose qui est plus ou moins mou, et tout ça combiné, en fait, c'est là la difficulté en termes algorithmiques, c'est trouver des algorithmes qui vont permettre justement d'avoir tous ces dispositifs, sachant que on est limité aussi au niveau des technologies haptiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de technologie, elles vont produire un type de stimuli, alors qu'il nous en faudrait plusieurs à la fin. Vincent Hayward, ce qui va nous sauver, en fait, c'est en fait de bien connaître la manière dont le système sensoriel fonctionne. Je vais procéder par analogie. En audio, on aime bien avoir de très bonnes stéréos, il y a deux haut-parleurs. Et souvent, on pense qu'en fait, le fait d'avoir deux haut-parleurs, ça vient du fait qu'on a deux oreilles. Mais non, c'est pas ça, en fait. Ce qui est plus important, c'est que les deux haut-parleurs créent un champ latéral. Qui est fondamental à l'audition humaine. Et donc, en fait, si on met trois haut-parleurs, c'est encore mieux. En fait. Donc, c'est cette connaissance de la manière dont le système auditif fonctionne qui vraiment permet de pousser les limites. Et pour le toucher, c'est vraiment la porte de sortie. De bien connaître quels sont les processus sensoriels fondamentaux qui permettent de simplifier le problème mécanique à la base. On va poursuivre dans un instant cette discussion, bien évidemment, autour des technologies haptiques. Mais avant cela, comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Une recherche montre en main aujourd'hui avec Félix Pechereau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse au sein de l'école doctorale Information Structure Système, une thèse que vous effectuez en partenariat avec le laboratoire d'informatique de robotique et de microélectronique à Montpellier, sous la direction de Nabil Zemiti. Et Philippe Poignet, votre thèse s'intitule « Développement d'une interface haptique portable pour l'apprentissage et l'entraînement au geste chirurgical robotisé ». C'est à vous, nous vous écoutons. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je suis doctorant entre le LIRM et l'ISIR, mes travaux ils sont financés par le laboratoire d'excellence CAMI, qui lui est dédié au développement des interventions médicales assistées par ordinateur. Alors vous l'avez dit dans le titre de ma thèse, moi je me concentre sur l'apprentissage du geste chirurgical, et pour ça on va d'abord parler de chirurgie. Il faut savoir que la chirurgie devient toujours moins invasive. Et opérer un patient, c'est aujourd'hui un vrai travail d'orfèvre. Donc en chirurgie laparoscopique particulièrement, donc tout ce qui concerne l'abdomen, on fait des petites incisions par lesquelles on passe des longs outils d'une trentaine de centimètres, ainsi qu'un endoscope, donc c'est une caméra. ces outils qui peuvent paraître rudimentaires, ils permettent aux chirurgiens et chirurgiennes expertes de réaliser des opérations complexes en laissant que des cicatrices qui sont vraiment minimes sur le patient. Donc c'est des nombreux avantages pour le patient et il y a trois types de difficultés induites pour le chirurgien. D'abord des difficultés mécaniques puisqu'on manipule des outils qui passent par une incision qui est fixe, des difficultés visuelles puisqu'on regarde indirectement l'intérieur du patient au moyen d'une caméra et la plupart du temps en 2D, donc on perd en plus la notion de profondeur, et des difficultés ergonomiques pour terminer, puisque les sensations haptiques se retrouvent détériorées et on adopte une posture statique qui est parfois très inconfortable. Alors pour pallier ces problèmes, des solutions robotisées sont apparues, et dont vous parlez d'ailleurs très bien dans un épisode précédent de qui s'appelle « Chirurgie assistée, bonjour docteur robot ». Dans tous les cas, cette chirurgie, c'est une véritable épreuve pour le chirurgien, que ce soit tant à exécuter comme à apprendre. Et moi, je me concentre sur l'apprentissage. Alors, comment sont formés actuellement nos chirurgiens et chirurgiennes? En parallèle d'une lourde formation théorique, les internes, ils s'entraînent d'abord sur simulateur, puis sur cadavre, puis au bloc opératoire directement, où l'interne, il sera de plus en plus autonome. Le tout en respectant, bien entendu, la règle de ne jamais réaliser pour la première fois un geste sur un patient. Donc c'est très long, parce que suivant les opérations, il faut compter entre 50 et 200 interventions avant que l'interne soit considéré autonome. Donc c'est autant d'interventions qui nécessitent la présence d'un expert pour guider et évaluer l'interne. Donc, la formation, elle est donc onéreuse, longue et exigeante, autant pour le formateur que pour l'interne. En plus, elle n'est pas uniforme entre tous les centres de formation qui ne peuvent pas tous avoir des simulateurs dernier cri, mais aussi entre les formateurs eux-mêmes, qui sont également chirurgiens, donc peu disponibles. Donc il y a un vrai besoin de faciliter l'apprentissage avec des meilleurs dispositifs pédagogiques qui permettent aux internes de s'entraîner en quasi-autonomie. Donc mes travaux de thèse, ils ont pour but de concevoir un de ces dispositifs pédagogiques. Ce dispositif, ce sera une interface haptique portable à utiliser pendant un entraînement sur simulateur. Donc qu'est-ce que c'est qu'une interface haptique portable? Donc c'est parfait, Maud Marshall en a déjà parlé. Pour mon cas, le prototype sur lequel je travaille, il ressemble actuellement à un joystick de jeu vidéo, sur lequel on a attaché deux moteurs qui permettent de déplacer le pouce et l'index. Ce faisant, on est capable de créer l'illusion qu'une force invisible tire la main pour l'amener dans une nouvelle orientation. Donc on va étudier cette illusion pour l'appliquer à un protocole d'entraînement et essayer de développer plus rapidement cette motricité qui est très particulière. Alors pourquoi on a choisi une interface haptique? D'abord, l'être humain, il apprend beaucoup mieux quand plusieurs canaux sensoriels sont stimulés. Par exemple, on retient mieux une information si elle est transmise par un support visuel et un support audio, plutôt que seulement l'un des deux. C'est la même chose pour apprendre un geste, et réussir à copier un mouvement aussi complexe sans information haptique, c'est un vrai challenge. Et ensuite, on sait que les informations haptiques, elles sont comprises très rapidement, là où il faut un temps plus long pour interpréter une information visuelle et agir ensuite. Donc pour résumer, on s'intéresse dans cette thèse aux besoins de systèmes pédagogiques qui permettent d'entraîner les internes en chirurgie de manière plus ou moins autonome. Et mes travaux, ils se basent sur l'idée d'utiliser une illusion haptique pour créer un dispositif portable et simple pour l'entraînement au geste chirurgical. Donc bien sûr, ces travaux, ils sont réalisés conjointement avec mes encadrants, que j'en profite pour remercier. Merci beaucoup à vous, Félix Péchereau. On vous souhaite bon courage pour ce travail de thèse. Une brève réaction à cette présentation, Maud Marshall. Oui, là on voit que les applications de l'haptique vont aussi notamment dans le domaine médical. Donc ça fait de nombreuses années qu'on fait des simulateurs médicaux pour aider les médecins ou les chirurgiens à apprendre certains gestes qui peuvent être soit complexes, soit à réaliser de manière vraiment très ponctuelle. Et donc là on voit tout à fait le rôle de l'haptique pour pouvoir justement rajouter ce sens du toucher dans des simulateurs sur l'ordinateur pour vraiment reproduire ce qui va ensuite être réalisé pour de vrai sur le patient. Et cette présentation, elle introduit fort à propos le reportage du jour, puisque vous le disiez à l'instant, Maud Marshall, l'haptique investit déjà le secteur biomédical. À l'Institut notamment des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université, des équipes ont conçu un robot haptique qui permet de palper des cellules à distance, et vous avez pu voir cette machine à l'œuvre, Céline Lozen. Bonjour à vous. Bonjour Antoine. Oui, ce robot s'appelle Optobot. Il a été mis au point par l'équipe de Sinan Aliyo à l'ISIR. En utilisant la force de la lumière, la pression photonique, ils arrivent à manipuler des cellules comme des gamètes et tester leur résistance mécanique, car la rigidité d'une cellule est un indicateur de son état de santé. Cette machine est pilotée par un opérateur au moyen d'un joystick connecté qui, via un laser, va aller toucher la membrane de la cellule qui, elle, est placée en boîte de pétri à l'intérieur de cette machine. La force mesurée, très petite, de l'ordre du pico-newton, est ensuite renvoyée dans le joystick. Elle est amplifiée des milliards de fois pour être perceptible au toucher dans la main de l'opérateur. Cette technologie, pour le moment, permet d'étudier des cellules in vitro, mais l'objectif à l'avenir est de pouvoir aller sonder les cellules directement in vivo. L'idée, c'est de donner à un opérateur les moyens d'examiner et manipuler mécaniquement les échantillons biologiques comme des cellules, des bactéries ou des spermes. Donc c'est intéressant dans plusieurs domaines de la recherche ou des applications cliniques comme la fécondation in vitro où on a besoin de manipuler des ovocytes ou des spermes, d'examiner leurs caractéristiques mécaniques pour comprendre est-ce qu'ils sont sains. Même chose effectivement pour pouvoir faire des diagnostics par exemple sur des cellules, donc leurs états de santé dépend de leur rigidité, donc si on arrive à les palper, l'opérateur peut avoir une idée s'ils sont sains ou pas. Donc nous développons un instrument scientifique qui donne ces moyens de microscopie haptique, de toucher vraiment à micro-échelle, et nous intervenons sur tous les niveaux. Donc premièrement, nous utilisons le principe des pinces optiques. Donc en fait, les pinces optiques, c'est un moyen d'utiliser la lumière, donc le laser, pour appliquer des forces sur des objets en liquide. Donc on focalise un rayon laser sur un objet sphérique qui fait 1 à 2 micromètres. La pression photonique vraiment sur cet objet-là, du laser, va nous permettre de lui appliquer des forces de l'ordre de quelques piconewtons jusqu'à une centaine de piconewtons. Donc effectivement, piconewton, c'est 12 0 après le virgule. Donc c'est très très petit. Mais néanmoins, quand on est dans le liquide et les objets sont trop petits, ils ont très peu de masse, nous pouvons utiliser cette force de la lumière pour déplacer des objets dans le liquide. Alors nous sommes dans notre salle dédiée aux pinces optiques robotisées. On fait de la micro-robotique, donc on travaille avec des petits objets, mais le robot qui fait la micro-manipulation, enfin toute l'instrumentation autour, représente une table de 1,5 m à peu près. Donc sur cette manip, vous voyez la source de laser qui est effectivement passe par un chemin optique et qui comporte plusieurs lentilles, et miroirs et des galvanomètres. Donc du coup, ce rayon laser arrive sous un microscope. Et effectivement, sous un microscope, nous plaçons une boîte de pétri, donc qui contient une solution liquide et les échantillons biologiques. Et donc du coup, ce rayon laser arrive dans cette boîte de pétri, et donc le système optique nous permet de contrôler avec précision le point focal de ce rayon laser. Donc nous utilisons des billes en verre de 1 micromètre de diamètre. Donc nous focalisons le rayon laser sur un de ces billes, et la pression photonique, comme je vous ai expliqué, applique une force sur cette bille qui le maintient en place, donc au point focal du laser. Donc du coup, quand on va déplacer le rayon laser grâce au miroir très très doucement, cet objet va suivre. Comment se fait la commande là, concrètement ? Alors, concrètement, vous voyez ici une interface haptique. Là, il y a un dispositif. Voilà, vous voyez un dispositif haptique. Donc, ça avec ressemble... Le joystick, là. Voilà, donc effectivement, c'est comme un joystick, sauf qu'on peut le déplacer dans l'espace, dans les trois dimensions en translation, mais aussi en rotation. Donc, nous prenons le mouvement de l'utilisateur. Donc, du coup, l'utilisateur manipule la poignée de l'interface haptique. À partir de ce mouvement-là, nous déduisons comment l'opérateur veut déplacer l'objet piégé. Par exemple, s'il va bouger vers la droite, on veut déplacer l'objet vers la droite. Il faut préciser, ça vous paraît simple, mais il y a des écrans qui permettent de monitorer. Exactement. Tout ça. Du coup, il y a un écran qui nous permet de donner une image de microscope optique. Donc, du coup, voilà, par exemple, l'utilisateur, il va déplacer l'objet piégé vers la droite. Donc, il va aller à droite avec l'interface haptique. Le système va calculer automatiquement comment le rayon laser doit être réfléchi pour que l'objet se déplace vers la droite. Donc du coup, il va immédiatement bouger les miroirs et les lentilles qui sont concernées. Donc l'utilisateur sur son écran qui montre l'image de microscope verrait bien son objet se déplacer vers la droite, etc. Donc en temps réel, tout de suite en observant ce mouvement-là, on va déduire la force à laquelle qui sont appliquées sur cet objet-là. Donc du coup, on va faire le chemin inverse. À partir de ces signaux, on va calculer une force d'interaction qu'on va multiplier par 100 milliards, 1 milliard, et on va le faire sentir à l'utilisateur dans la poignée qu'il tient. Et donc du coup, quand il va déplacer la poignée vers la droite, bah, il va avoir l'impression que ce poignet se déplace comme si c'était dans un liquide, donc qui correspond exactement au déplacement de l'objet qui a été piégé par le laser. Qu'est-ce qu'on ressent concrètement? C'est une vibration dans le... On ressent vraiment comme si on déplaçait une bille. Et si vous prenez un ballon dans une piscine et vous essayez de le déplacer, donc vous allez ressentir la résistance du liquide au niveau de ces ballons. Donc effectivement, c'est la sensation quand on déplace un micro-objet, c'est dans un fluide, c'est assez comparable. On arrive à avoir une ressentie assez représentative de ce qui se passe. Et après, quand on va toucher un objet, quand on va palper par exemple une cellule qui est un peu rigide ou un peu adhérent, bah, on sent vraiment si on touchait avec la, si, comme si on touchait avec les poignets une surface qui est un peu molle, un peu visqueuse, un peu collant, quoi. Voilà pour ce reportage à Sorbonne Université. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Vincent Hayward? Les travaux de Sinan Alio sont vraiment un très bel exemple de ce qu'on peut faire avec cette idée de reproduire les sensations tactiles. Et là, on perçoit bien l'aspect micro. À venir toucher un objet de la taille d'une cellule, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment incroyable. Et, je vous encourage à aller le faire vous-même. Hein. C'est étonnant de pouvoir se rendre compte en fait que le monde microscopique existe d'une manière absolument tangible. Enfin, l'idée des mondes virtuels, ils ont pas forcément besoin d'être réels comme ils peuvent être. Enfin, c'est une des choses que le cerveau fait très bien, c'est de s'adapter à des mondes qui sont pas familiers du tout. Et le monde microscopique dont Sinan parlait, c'est vraiment un très bel exemple. C'est un monde où il n'y a pas de masse. La masse est négligeable, tout colle, tout c'est que de la friction et du collage. C'est un monde totalement étrange, mais à travers cette interface, on en a une réalisation directe. Et en fait, c'est du point de vue scientifique, c'est fascinant. C'est à la fois du point de vue de la perception et aussi des découvertes qu'on peut faire des phénomènes à cette échelle. Oui, c'est une très très belle illustration de ce qu'on peut faire, notamment grâce aux technologies haptiques dans le domaine biomédical. On peut enfin toucher donc des microbes, comme le disait à l'instant Vincent Hayward. Maud Marshall, si on reste un petit peu dans le domaine, pour le coup, médical, chirurgical, là aussi, les technologies haptiques, comme le disait tout à l'heure Félix Peyfraud dans la recherche montre en main, ont des enjeux énormes en matière de chirurgie à distance ou de chirurgie de très grande précision, de microchirurgie. Oui, tout à fait. Au niveau des simulateurs, comme on en a parlé tout à l'heure, pour l'apprentissage, donc des simulateurs qui vont aider le médecin soit à planifier un geste complexe ou bien à apprendre un geste. Effectivement, la place de l'haptique est fondamentale pour avoir cette perception du toucher. Et puis effectivement, on voit en fait qu'il y a le corps humain a de nombreuses difficultés. On est principalement composé de tissus mous, donc des choses qui sont déformables et donc il faut manipuler avec précaution. Et donc l'haptique derrière. Et la notion de la sensation de toucher et de manipulation est fondamentale pour pouvoir réaliser les gestes qu'on réalise sur les patients. C'est une notion qu'on n'a pas trop évoquée, cette notion de retour d'effort. Ça aussi, c'est particulièrement important pour notamment des chirurgiens, Vincent Hayward, savoir quand ils peuvent forcer un petit peu ou pas trop. Là aussi, c'est très important dans le domaine haptique, ce travail autour du retour d'effort avec la résistance de la matière. Oui, là, il y a un débat. Donc, c'est pas complètement dans mon domaine. J'ai travaillé dans ce domaine il y a 20 ans. J'ai maintenant dévié des questions plus fondamentales. Mais les chirurgiens, ils s'intéressent effectivement à la déformation des choses ou à établir, faire une coupe, venir faire des sutures, cautériser, faire des choses. Et donc il y a une partie effectivement qui est tactile dans leur intervention, et quelquefois elle est très tactile, c'est-à-dire que l'exemple qui vient à l'esprit immédiatement, c'est la détection des calcifications. Donc ça, quand on a un tissu qui est calcifié, ça se voit pas. Mmh. Et le seul moyen pour le chirurgien de pouvoir le détecter, c'est de mettre le doigt. Mmh. Et le doigt est phénoménal. S'il y a une aspérité qui fait un micron sur cette table, vous le sentirez. Donc c'est un très bel exemple de ce qui a été retiré, comme le docteur en parlait un peu plus tôt, avec la chirurgie minimalement invasive, les chirurgiens ont un peu perdu cet accès direct à la matière. Une voie de recherche, c'est de la restaurer, en fait. On parle des applications potentielles de ces technologies haptiques. Maud Marshall, si on se projette un petit peu, est-ce que là, on parle pas mal de greffes imprimées en 3D, ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, pour une personne amputée d'une main, de créer un gant haptique qui lui permettrait de ressentir les choses comme elle les sentait auparavant? Oui, alors il y a pas mal de chercheurs qui travaillent effectivement sur des prothèses qui peuvent permettre de restituer le sens du toucher. Donc on arrive et on commence à arriver à pouvoir attraper des objets. Et justement, parce qu'attraper des objets, c'est complexe. On le voit sur un robot, et un robot a du mal à attraper les objets. Donc l'humain, si on veut reproduire le sens qu'il a perdu, c'est effectivement un niveau de difficulté qui est complexe. Donc petit à petit, on arrive à redonner un peu de sens du toucher pour ces personnes qui, par exemple, ont perdu un membre, dont la main, qui est effectivement fondamentale, comme on l'a signalé tout à l'heure. Après, c'est également utile pour les personnes qui ont des handicaps, ou par exemple, qui ont une mobilité réduite, où on va pouvoir donner des informations haptiques, donc qui vont les guider ou les aider, par exemple, à naviguer dans la rue, dans un monument, à l'intérieur d'un bâtiment, et donc pouvoir les aider aussi à apprendre un petit peu à mieux améliorer leur mobilité. Ne pas prendre d'éventuels risques. Vincent Hayward, il y a aussi une question que je me posais, qui est vraiment une question un peu, qui m'est venue comme ça. Je me disais, mais quand on sent quelque chose, l'information est transmise très très vite. Si on a par exemple un gant haptique, comment est-ce qu'on va pouvoir reproduire cette vitesse-là de transmission de l'information? Est-ce que là, on est face à une des limites actuelles de ces technologies-là? La limite... Chaque fois qu'on touche quelque chose, y a un contact, et la plupart des contacts sont glissants. Mmh. C'est-à-dire que pour connaître la nature de cette surface, je dois déplacer mon doigt. Et donc, le glissement, en fait, fait appel à un domaine de la science qui s'appelle la tribologie, où on s'intéresse à phénomènes qui ont lieu quand des surfaces sont en contact glissant. Le frottement, donc c'est... Et la tribologie est une des sources fondamentales d'information pour notre sens tactile. Donc c'est non seulement entre la peau et les objets, mais aussi entre les outils qu'on tient et les objets qu'on manipule. Et donc ça, c'est le secret de pouvoir... un jour avoir des gants qui vont produire des sensations fines dont on parlait un peu plus tôt. Maud Marshall. Oui, je veux rajouter aussi que du coup, aujourd'hui, en fait, c'est peut-être une des difficultés qui explique, par exemple, qu'on ait des difficultés à avoir des dispositifs haptiques pour toucher les mondes virtuels. Parce que là où la vue requiert un temps de rafraîchissement de notre calcul qui est inférieur à 100 Hz, justement, avec le sens du toucher, on a besoin d'un rafraîchissement beaucoup plus rapide qui peut aller jusqu'à 1000 Hz pour des contacts très, très durs et très brefs. Et donc, on a une difficulté algorithmique aussi qui arrive derrière, en plus des dispositifs, pour pouvoir justement trouver des ordinateurs qui permettent d'avoir ces temps de calcul qui nous permettent d'interagir en temps réel. Vincent Hayward. Oui. Les temps de calcul, une des difficultés, c'est le fait que les contacts sont sur une surface. Donc, souvent, on simplifie en disant qu'il y a le contact, c'est juste un point. Donc ça va, on arrive à faire le calcul raisonnablement et à approximer la physique d'une manière qui soit réaliste. Mais dès qu'on parle de contacts qui sont sur des surfaces, par exemple, mon doigt, quand il touche ce verre, fait un contact de 2 cm². Donc il y a 1 cm et 1 cm². Et s'il y a un micro-glissement, en fait, il va être perçu par mon système somatosensoriel de manière à ce que ma prise soit la bonne. C'est-à-dire que le verre ne va pas tomber ou je ne vais pas serrer trop fort. Mmh. Et ça se effectue à des échelles qui sont de la milliseconde. C'est incroyable. C'est la vitesse à laquelle le système nerveux arrive à traiter ces informations mécaniques pour corriger le mouvement. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, d'un point de vue computationnel, quand on arrivera à les simuler, on aura des questions assez difficiles à résoudre. Mmh. Je sais que les chercheurs ne disent jamais, mais est-ce qu'il y a des éléments du toucher qu'on ne pourra jamais reproduire, Maud Marshall? Est-ce que c'est des choses dont on sait qu'on ne pourra jamais égaler cette finesse, cette sensibilité-là? Comme vous avez dit, je ne saurais jamais dire. Bien sûr. Je pense que on arrive à simplifier quand on veut aller, par exemple, interagir avec des mondes virtuels. On arrive à simplifier le phénomène qu'on veut aller rendre, et donc finalement, on va réussir à obtenir quelque chose où l'utilisateur va, avec sa perception et son cerveau, finalement, faire le complément de ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Donc après, enrichir le sens de l'haptique et pouvoir justement enrichir un petit peu les sensations haptiques qui sont à notre disposition. Évidemment, ça va ouvrir des champs de possibles qui sont encore fermés aujourd'hui. Tout simplement parce que, ce que je disais juste avant, c'est qu'on n'a pas encore toutes les temps de calcul nécessaires, les ordinateurs qui vont permettre de faire les bons algorithmes, ou bien les technologies haptiques qui suivent. Mais j'ai osé espérer que ce n'est pas jamais. Non. Et il y a pas mal donc de ces limites algorithmiques. En tout cas, ça permet d'ouvrir pas mal de perspectives, notamment assez science-fictionnelles. Bon, on parle pas mal de Meta en ce moment, le groupe Facebook qui veut créer même, donc il parle d'un gant haptique, mais qui parle même d'une peau haptique pour conférer au robot la sensation du toucher. Vincent Hayward, tout ça, c'est des effets d'annonce. Est-ce que c'est envisageable dans des délais raisonnables? La peau robotique, à nouveau, c'est pas une nouvelle idée. Mmh. C'est clair que si on a trois sauts d'imagination, un robot devrait avoir une peau sensible. et effectivement, les premiers exemples de ça, ça remonte aux années 60. Et il y avait des premières peaux sensibles. Mais les avancées récentes sont vraiment très intéressantes. Et une grande partie de ces avancées sont dues aux nouveaux matériaux. Donc la robotique souvent faisait appel à des objets métalliques. Les robots sont faits en métal ou en plastique. Et maintenant, la grande tendance, c'est de les fabriquer avec des polymères. Mmh. Et ça donne une dimension tout à fait nouvelle et totalement pertinente. Et c'est fascinant de se rendre compte que toutes ces recherches finalement avancent en même temps, aussi bien en neurobiologie qu'autour des nouveaux matériaux, pour développer ces technologies haptiques du futur. Un grand merci en tout cas à tous les deux, Maud Marshall, Vincent Hayward, de nous avoir fait toucher du doigt ces technologies-là. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Céline Nozen, Noémie Daguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.